D'abord le professeur. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les grandes leçons de l'hépatite C. Dans les émissions de la conversation scientifique, nous n'avons guère parlé de maladie, ni de médecine, ni de recherche médicale, et cette situation baroque n'est plus défendable. Pour commencer de la corriger, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une histoire à la fois dramatique et magnifique, douloureuse et exemplaire. Celle de l'hépatite C, cette maladie qui a commencé de se manifester dans les années 70. Et aussi à l'histoire pleine de rebondissements et d'enseignements de la découverte d'un traitement désormais efficace à près de 100% qui permet de guérir de cette maladie en quelques semaines. Une telle rapidité pour une telle efficacité, c'est du jamais vu dans l'histoire des maladies virales. Quelles ont été les grandes étapes de cette aventure? Qu'est-ce que les chercheurs ont appris sur l'hépatite C? Et qu'ont-ils appris grâce à l'hépatite C? Certains de leurs paradigmes ont-ils été bousculés, voire renversés? Ont-ils dû inventer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux modes d'action, notamment auprès des malades qui ne savent pas encore qu'ils sont infectés? Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux grands spécialistes. D'abord le professeur Georges-Philippe Pageau, bonjour. Bonjour. Vous êtes hépatologue à l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier et vous avez joué un rôle dans cette aventure dont nous allons parler. Et également le professeur Thierry Poinard, hépatologue également, professeur. Vous avez travaillé à l'hôpital Béclair puis à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes également, d'après ce qu'on m'a dit, triathlète. Exact. Est-ce qu'il est vrai que vous appelez vos malades des hépatants avec un H? Alors, les gens qui sont malades du foie. Les hépatants, ça vient d'un groupe formidable qui s'appelle SOS Hépatite et qui nous a beaucoup aidés dans toute cette aventure et qui a appelé les malades hépatants. Effectivement, on a tous adhéré à cet acronyme. Alors, vous étiez tous les deux en activité au moment de cette maladie a commencé de se déclarer d'une façon intense, disons, dans les années 70. Comment est-ce que ça s'est passé? Quels ont été les symptômes qui ont permis de comprendre l'apparition d'une nouvelle maladie qui semble être une hépatite, mais qui n'était ni la A, déjà connue, ni la B, également connue? Alors, si tu permets, Georges-Philippe, je suis un peu plus vieux que mon collègue, donc je me permets de prendre la parole avant que ma mémoire me trahisse. En fait, au début, c'était une maladie qui était considérée comme des gens qui voulaient se faire un arrêt de travail. Ils avaient des transaminases, qui est un examen tout banal, qui signale les maladies du foie. Et ces gens-là avaient des petites augmentations des transaminases et se sentaient très fatigués. Ils venaient voir le médecin traitant, puis comme le médecin traitant ne s'en sortait pas comme un trouble fonctionnel intestinal, il l'envoyait vers le spécialiste. Et le spécialiste, l'hépatologue, regardait la transaminase et se dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et comme il en suivait beaucoup, parce que l'hépatite C a explosé après la guerre, en fait, en 1945, à cause des transfusions, surtout, et de la toxicomanie après, s'est répandu très rapidement. Le nombre de gens qui venaient consulter pour des petites augmentations de transaminase a augmenté, c'était la consultation des hépatologues. Et on disait que c'était une transaminite. Voilà. Et comme la maladie évolue en général sur 30 à 40 ans pour faire une cirrhose qui là devient cliniquement évidente, on pensait que c'était rien du tout. Et progressivement, ça a explosé parce qu'on s'est aperçu que ça tuait beaucoup de gens au fur et à mesure. Donc en fait, au début, c'était rien et après, ça a explosé. C'était pratiquement exponentiel la vitesse de dramatisation à cause des chiffres de mortalité. Et comment est-ce qu'on a su que c'était une maladie virale, Georges-Philippe Pageau? Au début, on a dans le mode de présentation de ces maladies les fameux mouvements de transaminase dont parle Thierry, qui sont des mouvements qui sont tout à fait fluctuants. Et cette maladie, pour nous, ça a d'abord été des fluctuations de ces fameuses transaminases avec peu de symptômes. Et le seul symptôme auquel faisait référence Thierry tout à l'heure quand il parlait des arrêts de travail, etc., c'était la fatigue. Et les médecins, ils sont souvent désarçonnés quand on vient les voir simplement pour une fatigue. Ils vont pas voir, parfois d'ailleurs, être un petit peu négligents. Écoutez, on est tous fatigués. On a dit des phrases comme ça. On est tous fatigués. Sauf que ce qu'on sait maintenant, et ce qu'on savait déjà, mais ce qu'on sait parfaitement bien, c'est que le fait d'avoir ces fameuses transaminases élevées, en fait, ça signifie qu'il y a quelque chose qui agresse le foie, qui détruit les cellules du foie, et dont le seul symptôme sera cette fameuse fatigue. Et donc, lorsqu'on s'est mis à réfléchir, à prendre un peu plus le temps, à essayer de corréler cette fatigue avec ces mouvements fluctuants d'enzymes, on a dit, mais quand même, ça ressemble vraiment à du virus. Être porteur chronique d'un virus, ce sont ces symptômes-là, et cliniques et biologiques. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avait une batterie de virus qu'on connaissait, le A, le B. Ça ressemblait à le B, au B, parce qu'on voyait bien que ces patients étaient dans une maladie chronique. Donc on l'a appelé non A, non B. On était un peu contemplatif. Mais on ressentait très très vite qu'en interrogeant finement les patients, il y avait eu à un moment, un contact avec un sang qui pouvait être contaminé. C'est comme ça que s'est faite la construction et l'histoire a débuté comme celle-là. Un patient se retrouverait au contact d'un sang qui aurait été contaminé par un autre patient. La transfusion, la toxicomanie dont a parlé Thierry, développerait une fatigue inhabituelle, incompréhensible. Mais sans douleur. Sans aucune douleur. Et ça, ça a été la deuxième difficulté, puisque les patients, ils aiment bien avoir des symptômes auxquels se rattacher. Et là, ils arrivaient un petit peu penauds. Je suis fatigué, quoi. J'ose pas vous dire, mais elle est bizarre, cette fatigue. Elle me prend à n'importe quel moment de la journée. C'est comme ça que nous, on a fait cette construction qui nous a fait dire, ça ressemble vraiment à un virus. En fait, c'est pas une fatigue continue, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est des épisodes de fatigue intenses, sans cause explicite. Non lié au manque de sommeil, par exemple. C'est exactement ça. Et sans douleur. Sans douleur, et souvent les gens nous disaient à n'importe quel moment de la journée. Des gens qui étaient en activité et qui disaient 11h du matin, j'avais bien dormi et tout, il fallait que je m'asseye, il fallait que je fasse une pause. Donc ça, vraiment, ça nous a interpellé, ça faisait virus. Alors pour préparer cette émission, je me suis aidé de la lecture d'un livre qui vient de paraître aux éditions Autrement, qui s'intitule « Requiem pour un virus, une brève histoire de l'hépatite C », une histoire absolument passionnante que j'ai lue comme un... presque comme un polar, même s'il y a des aspects très, très dramatiques dans cette histoire, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a eu beaucoup de morts. Mais est-ce qu'on peut ensemble retracer les différents moments clés de cette aventure? À partir de quel moment, par exemple, on a parlé d'hépatite? Alors, en fait, très rapidement, comme le disait Georges Philippe, on a vu que ça ressemblait aux autres hépatites qu'on connaissait bien, l'hépatite B et l'hépatite A. L'hépatite A, c'est transmis par l'eau. Donc c'est un risque épidémiologique qui se fait par épidémie classique des choses qui sont transmises par l'eau. Et le B, c'était transmis par le sang, tous les produits dérivés du sang transmettent l'hépatite B, et par les relations sexuelles. Et très rapidement, on s'est aperçu que ce qu'on appelait la non-anombé, à l'époque, ça ressemblait à l'hépatite B, sauf qu'il n'y avait pas de transmission sexuelle. Donc ça, tout de suite, ça a défini un cadre. Et après, question naïve, comment est-ce qu'on peut voir que ça ne vient pas d'une transmission sexuelle? Quel est le genre d'étude qui permet d'aboutir? Quand vous avez eu des épidémies, par exemple, à l'époque, le sida s'est développé aussi pendant ces années-là. On voyait très bien que le sida et l'hépatite B étaient très liés, parce que vous faites des hépatites aiguës, et le A aussi, parce qu'il y a une transmission orofécale, donc chez les homosexuels qui était tout de suite visible. Et du coup, on avait des épisodes de jaunisse aiguë, parce que comme tous les virus, il y a une phase aiguë et une phase après chronique. La phase chronique est toujours, comme on vient de le dire, totalement asymptomatique, en dehors de la fatigue. Par contre, l'hépatite A, ça ne donne jamais de maladie chronique, et l'hépatite B, ça donnait des maladies chroniques, mais comme c'était beaucoup plus spectaculaire dans sa forme aiguë, on repérait tout de suite. Alors que l'hépatite C, très souvent, tous les hépatites C montrent des transaminases en forme aiguë, mais c'est jamais à la jaunisse. C'est rare que ce soit vraiment une jaunisse. Donc du coup, ça passe inaperçu. Et c'est des années après le facteur de risque qu'on a retrouvé, quand on a su savoir détecter le virus lui-même de façon très spécifique, on a pu reconnaître l'antécédent. Donc il y avait une espèce de phase de latence qui s'explique non seulement parce que les symptômes étaient lents à apparaître, mais aussi parce qu'on avait complètement oublié le premier facteur. Mais vous, Thierry Poinard, vous vous présentez parfois comme un faux découvreur du virus de l'hépatite C. Et vous n'êtes pas le seul. Vous savez, on connaît des virus. Oui, pas le seul. On est très nombreux dans cette catégorie. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de faux découvreurs? Parce qu'au début, il y avait le A et il y avait le B. Donc, tout le monde cherchait non A, non B. Alors, avant de trouver le C. Quand on dit non A, non B, ça veut dire qu'on comprend rien. C'est-à-dire que c'était autre chose que le virus A et le virus B. Ça a été sûr que c'était pas cela. Donc moi j'ai participé au F comme France. Où il y en a même des collègues qui étaient un petit peu moins polis qui ont dit fuck virus ou fake virus, etc. Mais et le F, c'est un jour le bon professeur Pio Antoine Béclair m'a dit ça y est, je crois que j'ai trouvé, et je vais donner le sang, etc. d'une malade et les selles aussi qui faisait une hépatite non anombée très aiguë. On allait larder les pauvres marmousés de l'Institut Pasteur pour essayer de trouver le virus qu'on pensait qu'il ressemblait au B, en fait. En fait, vous aviez identifié une protéine, c'est ça? C'est ça, c'était une protéine. Mais elle n'était pas associée au bon virus. Non, elle n'était pas associée à ce virus. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était le bon? Eh ben, parce que dès qu'on trouve une particule qui ressemble à un virus et qu'on est passionné et qu'on a évidemment le biais du chercheur, on s'enthousiasme. Fortement engagé, on s'enthousiasme. Et on a plein en fait ça. Il y a une équipe indienne qui a repris ça et qui a refait un deuxième papier. Et puis après c'est parti dans l'histoire. Après maintenant dans les virus, on est arrivé. Le G aussi a eu comme ça sa période de machin. Donc il y a eu combien de faux découvertes du virus de l'hépatite C? Je pense qu'il y en a eu ceux qui ont publié doivent en avoir au moins une centaine, hein, au moins. Oui. Ils sont fiers. Ouais. Oui. Bah, on, l'erreur est très importante. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur des erreurs, donc je pense que c'est un point majeur dans l'hépatite C. Mais c'est ça a l'air d'aller bien quand même. Oui, mais c'est le serendipity, c'est la chose habituelle. C'est-à-dire par hasard, on trouve des choses qu'on... Oui, mais j'ai cru comprendre que celui qui a découvert le virus, justement, il était tenace, déterminé, il était l'objet de moqueries de la part de ses collègues. Il a persévéré pendant des années avec une nouvelle technique de biologie moléculaire. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça, parce que les gens sont tous partis. Il y a deux types, hein, gros, pas faire trop compliqué, mais il y a deux types de virus d'hépatite, ceux ARN et ceux ADN. Et tout le monde s'est jeté... On dit ARN et ADN en français. En français, c'est ça. Mais on publie en anglais, donc nous, on est complètement intoxiqués. On a démissionné depuis longtemps sur la langue française. Il n'y a plus qu'à France Culture qu'on arrive à s'exprimer correctement. donc, en fait, ces deux virus-là, et l'Institut Pasteur, et on a plein de collègues brillants qui ont travaillé là-dedans et qui ont fait des découvertes magnifiques comme Christian Bréchaud, mais ils se sont plantés dans la stratégie de parce que tout le monde pensait que c'était... Et moi, pareil, hein, j'étais aussi dans cette brouette-là. Et puis finalement, celui qui a trouvé, il est parti inversement, c'est-à-dire qu'il a pas pris d'hypothèse a priori, il a pris qu'une méthodologie du besogneux rhinocéros et il a fini par trouver de façon indirecte le virus. Il a été aidé pour ça par un chimpanzé et un type ultra brillant qui s'appelle Alter, qui est d'ailleurs dans l'hépatite C, il était aussi important que dans l'hépatite B. Et comme il dit, j'aurais jamais le prix Nobel parce que je suis un loser, je suis toujours à côté de celui qui trouve, mais en fait il a participé grandement parce qu'il a sélectionné. Mais celui qui a trouvé, c'est les malades, Michael Houghton, c'est ça? Michael Houghton, c'est le besogneux génial. Parce alors, que en quoi il travaille, était besogneux? Il a examiné des tas de situations. Il est parti dans des stratégies qui étaient forcément très très lentes, mais systématiques. Il a fini par trouver. Voilà. C'est-à-dire, trouver, ça veut dire un jour qu'il trouve quelque chose qui réagit au virus? Voilà, et qui se transmet, etc. Et qui donne enfin, la finalité de la mise en évidence des virus avec les transmissions et les cultures, et etc. À cette époque, on est en quelle année? C'était que le premier papier, c'était 80 où ça commençait à faire, et 85 les premiers tests, et voilà, c'est à ce moment-là. Alors si j'ai bien compris, on parle de l'hépatite C, hein, je le rappelle pour les auditeurs, il y a deux sortes de virus, ceux à ARN, ceux à ADN. Et la plupart des faux découvreurs pensaient que c'était un virus à ADN. Oui, au début, oui. Et celui de l'hépatite C est un virus ARN, comme celui du sida. Oui. Et est-ce que c'est concomitant? Quand est-ce qu'on a su que le virus du sida était ARN? Oh ben le sida, c'est les années 80 aussi. Hein, c'est un peu avant, mais c'était... Et en quoi le fait que ce soit ARN, ça change la donne pour ceux qui tentent de trouver un vaccin, par exemple? Moi, je pense que c'est la fréquence des mutations qui est le gros problème. Il mute tellement. Il y a une histoire extraordinaire. C'est un cas d'hémophile aux États-Unis. Quand on est hémophile, on a besoin de beaucoup de donneurs pour avoir une concentration suffisante en produits qui corrigent la perte d'un facteur de coagulation. Et ces pauvres hémophiles, ils ont reçu il fallait 400 donneurs pour faire une dose. Et donc, évidemment, quand on a 400 donneurs, là-dedans, il y a des gens qui ont eux-mêmes été transfusés et qui donnent leur sang parce qu'ils ont été transfusés en main. Et puis il y a des toxicos qui donnaient leur sang. Donc si vous voulez, on s'est retrouvé avec une population où 100% pratiquement une période donnée était contaminée par le virus C. Voilà. Et puis il y a une autre différence. Et je pense que ça a son importance, ARN et ADN. ADN est notamment le VIH, l'hépatite B. Il y a ce qu'on appelle les transcriptases inverses dans les mécanismes de multiplication et de réplication du virus. L'aboutissement, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2020, les virus ARN, on sait pouvoir les guérir, au sens littéral du terme. Les virus à ADN, souvent, on va pouvoir simplement les supprimer. Et aujourd'hui, dans l'hépatite B, comme dans le VIH, les médicaments qu'on donne, totalement extraordinaires, qu'on change la donne, c'est quand même de la virosuppression exclusive. C'est pas encore de l'élimination virale. Si on prend les virus inactifs. Exactement. Si on prend une métaphore, c'est, bon, j'ai un scorpion, je mets le pied dessus. Le scorpion bouge plus, mais il faut que je garde le pied dessus. Si j'enlève le pied, le scorpion va piquer. avec les virus ARN comme l'hépatite C, on a pu trouver, c'est la longue histoire qui est décrite dans le livre, les outils, au début indirect, l'interféron et maintenant direct avec les antiviraux, qui permettent de guérir, c'est-à-dire d'inactiver définitivement et de faire en sorte que ce fameux ARN qu'on trouve dans le sang des patients disparaît à jamais. Donc c'est vraiment cette césure entre je ne fais qu'une suppression versus je peux guérir. Je reviens juste sur la phrase que j'avais commencé, mais je m'intéresse beaucoup au cas clinique qui explique énormément et on découvre pas. Ce pauvre hémophile qui a reçu une dose 1 a reçu 4 années plus tard le même lot, parce qu'ils sont conservés, etc. Il a reçu le même lot et l'a refait, ce qui montre bien que on peut faire ce virus-là, on peut en guérir d'une poussée aiguë et rattraper le même virus plusieurs années après et refaire, l'immunité ne marche pas. Donc l'immunité naturelle ne marche pas, donc c'est pour ça que ça monte la difficulté de faire un vaccin. Parce que le virus avait muté entre-temps, c'est non, ça parce non. que son corps est incapable de l'expulser de façon définitive en mémoire. Il ne garde pas les lymphocytes, les cellules immunocompétentes ne gardent pas la mémoire de son profil. Alors il faut qu'on raconte quand même le chemin qui mène de la première étape qui est la découverte du virus, de son identification, à la fabrication d'un traitement. Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de fausses pistes, il y a beaucoup de leçons qui sont tirées des observations. Beaucoup de recherches, beaucoup de fausses pistes, mais d'emblée quelque chose qui est assez clair. Et là, c'est une maladie infectieuse qui va être prise en charge essentiellement par des hépatologues. Donc les hépatologues, ce sont donc des gens qui s'occupent des maladies du foie, comme Thierry et moi. Et ils ont un concept qui est assez clair. Quel que soit le mécanisme qui va agresser le foie, un virus, de l'alcool, tout ce qu'on veut... Il y a un début d'histoire, d'ailleurs souvent assez réversible, mais qui, si on ne fait rien, peut conduire inexorablement chez un pourcentage X de patients, et ce pourcentage X de patients, notamment les travaux de Thierry, il va falloir qu'on les identifie le plus tôt possible, à une maladie grave qui s'appelle la cirrhose, et qui, elle, peut dégénérer avec un cancer du foie. Et le mécanisme à l'intérieur du foie, qu'on appelle nous un mécanisme histologique, c'est de la fibrose, ce qu'on va traduire par un foie qui devient dur. Donc nous, très vite... On a eu en tête d'identifier chez les patients qui étaient contaminés, une fois qu'on a nommé hépatite C, les stades de fibrose. Notre lecture a été celle-là. 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça note le degré de dégradation. Exactement. Du foie. C'est-à-dire, c'est une maladie infectieuse, mais la cible principale, on sait qu'après il y en a d'autres, mais la cible principale, c'est le foie, et il va être urgent, et dès le début, c'est ça, d'identifier ceux qui ont une maladie finalement très très inerte au niveau du foie, de ceux qui ont manifestement enclenché un mécanisme qui va conduire à une maladie mortelle. Donc c'est ça l'idée. Donc notre base de raisonnement, dès la fin des années 80, c'est celle-là. Ensuite, sur le plan thérapeutique, c'est beaucoup d'hésitation. On a simplement un acide nucléique, c'est un virus que personne n'a jamais vu au microscope, comme le virus B, etc. Et le concept qui va être développé, puisque finalement c'est notre système immunitaire qui nous permet en général de nous débarrasser des maladies virales, par le biais de se débarrasser des hépatocytes infectés comme par exemple le virus B, ben on va le stimuler. Et on va le stimuler de façon indirecte, et ça c'est le début de la saga de l'interféron. Je vais pousser mon système immunitaire à se débarrasser. Et donc on voit bien que d'emblée, c'est pas l'erreur, parce qu'on a que ça et le concept qui tient la route, on va utiliser un médicament dont on sait qu'il ne pourra pas être extraordinaire, puisque ce n'est pas un médicament directement dirigé contre ce virus. Le virus, on ne l'a pas encore décortiqué. On ne sait pas comment il se multiplie, donc on ne connaît pas encore les cibles. Donc, de façon indirecte, on va stimuler l'organisme du patient malade pour essayer de se débarrasser de ça. Et donc, le début de l'histoire, c'est un traitement indirect, le fameux interféron. C'est une protéine antivirale, c'est ça ? Voilà, c'est naturel. On a tous de l'interféron. Et donc, on en prend un peu plus ? Alors voilà, c'est là on va plus longtemps. Enfin, on a tout essayé. On a essayé les doses, on a essayé tout ça. Alors c'est très très mal supporté, l'immense majorité des sujets. Terrible. Beaucoup de symptômes. Bon, on est beaucoup plus malades. Ils sont déjà fatigués, les gens qui ont une hépatite C. Mais avec l'interféron, c'était l'enfer. Pour certaines personnes, c'était vraiment terrible. Et donc il y avait en gros 10% à 20%. Au début avec l'interféron seul, on est passé à 30%, 40% maximum lorsqu'on associait la ribavirine. La ribavirine, c'est encore un exemple de méconnaissance totale. C'est comme l'aspirine pendant les siècles. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait toujours pas comment ça marche. On a continué, même avec les premières générations des derniers, on a continué à en donner dans les cas désespérés. On ne sait toujours pas comment ça marche. Mais effectivement, ça permettait de réduire toute seule la transaminase dans un tiers des cas. Mais ça ne suffisait pas du tout. Il fallait mettre avec l'interféron. Donc voilà, mais c'est typiquement d'un exemple d'un produit où on n'a jamais compris jusqu'à présent comment ça marchait. Mais est-ce qu'on peut avoir l'hépatite C avec un foie qui semble en très bon état ? Oui, on avait des situations, nous on appelait ça, avec les malades, vous vivez en très bonne intelligence avec ce virus. Ça veut donc dire que, et comme vous disiez dans votre introduction, ce que cette maladie nous a appris, donc nous au niveau des concepts, c'est pourquoi telle personne, en général d'ailleurs contaminée tôt, va vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. On avait des histoires comme ça, d'une jeune femme transfusée au moment de l'accouchement, à l'âge de 25 ans. On découvrait cette personne à 50 ans. On évaluait la fibrose, au début par des examens douloureux, qui était la biopsie, mais Thierry en parlera mieux que moi après, par des prises de sang. On disait, il se passe rien, F0. Votre foie, il va parfaitement bien. F0, c'est donc la note la plus normale. C'est un foie normal. Bien mou, comme chez le boucher. Voilà, bizarre. Et puis d'autres personnes, en quelques années, qui faisait une maladie grave. Donc là, il y a eu à identifier des facteurs prédictifs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a fait un petit peu changer dans notre manière de faire. Plutôt que de dire c'est toxique, ça abîme le foie, on met tout le monde dans un même sac, on va avoir des évolutions différentes en fonction de facteurs prédictifs. Une femme, c'est pas comme un homme. Un jeune, c'est pas comme un vieux. Et puis, et ça pour moi, c'est ce que nous a appris cette maladie, plutôt que de rester avec des rails comme ça, parallèles les uns aux autres, ce mot qu'on appelle comorbidité, qu'il faut expliquer, c'est j'ai l'hépatite C, mais je suis un peu gros, et puis je bois un petit peu trop, et ça n'a rien à voir que j'ai l'hépatite C, j'ai un index de masse corporelle parfait, je suis triathlète, je ne bois pas une goutte d'alcool. En d'autres termes, tout d'un coup, commencer à penser à des synergies d'éléments toxiques, et c'est là qu'on a beaucoup appris, et qu'en fait on est revenu à notre métier de base, les maladies du foie. Mais ce que vous appelez des synergies, en l'occurrence, ce ne sont pas des relations de causalité. Non, non. C'est des facteurs indépendants qui se combinent dans les effets qu'ils produisent. Et qui se potentialisent les uns les autres, parce que par des mécanismes différents, ce sont tous des agresseurs hépatiques. Ce sont tous donc des agresseurs hépatiques. Donc le foie en prend plein la figure. Donc le foie, à force, il reçoit un coup sur la tête d'un côté, un coup sur la tête de l'autre. À la fin, la cellule, elle meurt, et la cicatrisation se fait avec cette fameuse fibrose dont on sait qu'elle va conduire à la cirrhose et au cancer. Donc ça, vraiment, l'hépatite, elle a été importante pour nous. Mais si je comprends bien ce que vous dites, Georges-Philippe Pajot, ça veut dire que l'évolution de cette maladie dans un corps donné dépend beaucoup de la personne. Parfois, c'est silencieux très longtemps. Parfois, ça se montre très rapidement. Tout à fait. Et on comprend comment ces rythmes peuvent différer d'une personne à l'autre. On a tâtonné, Thierry à l'époque avait travaillé sur ce qu'on appelait la vitesse de progression de la fibrose, il avait fait un papier qui était très important, qui montrait que en fonction de ce dont je viens de parler, la consommation d'alcool, l'âge, à l'époque la maladie VIH était mal contrôlée, on avait des patients qui attrapaient les deux virus, alors là il y avait une potentialisation du fait d'une dépression qui était catastrophique, et on avait ce papier qui montrait des vitesses de progression en quelques années, puis d'autres personnes 30 ans plus tard, il se passait rien. Donc on a vraiment essayé de comprendre ces synergies, ce que nous on appelle les cofacteurs de risque. Alors vous, Georges-Philippe Pajot, vous êtes spécialiste des greffes de foie. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette maladie a changé dans votre pratique, dans le nombre de cas que vous opérez et dans les raisons pour lesquelles vous opérez? Alors donc moi je ne suis pas chirurgien, je suis hépatologue, c'est-à-dire que dans la greffe de foie, il y a à la fois la prise en charge chirurgicale, un chirurgien, et une prise en charge médicale. Donc moi effectivement je m'occupe des aspects médicaux de la greffe. Alors, elle nous a appris plusieurs choses. D'abord, à nous retrouver parfois confrontés à des drames sociétaux, et je disais qu'ils nous obligent. On a tous croisé, tous les hépatologues, des hémophiles victimes du sang contaminé et qui, du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C, quand c'était pas d'ailleurs une co-infection avec le VIH, ont développé une cirrhose et un cancer et arrivaient au moment de la greffe. Et je peux vous dire que c'était des moments extrêmement douloureux. Ils étaient mis dans un circuit où il y aurait une attente qui serait longue. Et clairement, moi, je me suis toujours senti co-responsable de ce qui leur arrivait. Voilà, je fais partie d'une communauté, je crois qu'on a été co-responsable de ce qui leur arrivait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça nous a appris, c'est que dans une situation qui est très, très particulière, où il va falloir choisir. La greffe, c'est une drôle d'histoire. Choisir. Choisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je prends la situation d'aujourd'hui, il y a 1300 greffes de foie par an en France, pour à peu près 3000 inscrits. Et si on voulait que la greffe soit exhaustive, c'est-à-dire qu'elle règle le problème des patients les plus graves, il faudra en faire 5000. Donc il y a une liste d'attente. Voilà. Et donc la société, elle dit, choisissez bien les 1300. Et vous allez devoir vous débrouiller avec égalité, équité. Et donc on a vu arriver des patients qui avaient été des usagers de drogue, qui avaient développé une maladie grave. Certains étaient des consommateurs excessifs. Et donc il y avait une espèce de musique de fond, notamment anglo-saxonne, qui disait, mérite-t-il ? La notion de mérite pour recevoir un foie. Bah oui, parce que quand vous avez de la tension entre égalité et équité, L'égalité, c'est Kant, hein, c'est un individu, c'est une valeur absolue. Tout ce que j'ai à faire, je suis son avocat, Hippocrate, tu soigneras l'indigent. Et puis l'équité, attention, c'est une ressource rare. On va pas pouvoir la donner à tout le monde, il va falloir qu'on trie. On trie sur quoi? Alors nous, notre culture, ceux qui nous ont appris la médecine, nous ont dit, vous n'êtes pas là pour juger sur la morale, vous êtes là pour juger sur des faits. Donc le fait qu'il ait été usagé de drogue est le facteur explicatif de sa maladie. Il a eu un projet addictologique, qui s'est débarrassé de ça, et c'est pas pour ça qu'on va le stigmatiser et l'écarter d'un traitement curatif. Mais ça nous a quand même tous bousculés. Mais est-ce que la réussite de la greffe est garantie dans tous les cas? Est-ce que ce critère de réussite potentielle ne peut pas être pris en compte? Alors la réussite, nous, alors on a un critère très très brutal, c'est la survie. Donc quand on a transplanté ces patients, et c'est vrai aussi pour les consommations d'alcool, on regardait la survie à 1 an, 5 ans, 10 ans. Et la manière dont on avait été contaminé, si on reprend sur l'hépatite C, ne rentrait pas en compte lorsqu'on regardait ce critère-là. Et nous, finalement, lorsqu'on retourne vers la société, qu'as-tu fait de ce greffon? Bah, j'ai assuré une survie d'un patient qui allait mourir, et ce qu'il a fait dans le passé, c'est pas, ne me concerne pas. Mais en tout cas, n'est pas un critère à prendre en compte lorsqu'on fait le choix de la greffe. Thierry Poinard? Non, je trouve que le rêve d'un hépatologue, c'est de supprimer la greffe, c'est évident. Mais actuellement, ça a été une cause majeure de diminution de la mortalité pour les cas les plus graves. Mais au début, quand la maladie était mal connue, les greffes... C'est pareil, ça n'a rien changé sur ce problème. Les greffes n'étaient pas toujours un succès, puisque la maladie pouvait réapparaître après la greffe. Il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est-à-dire? Oh, bah, il y a encore 5-6 ans. Et c'était la singularité de cette maladie. Alors, si on mettait tous les patients greffés, c'est que le virus revenait. Alors, ça nous a appris plein de choses, hein. Ça voulait dire qu'il y avait donc des sites de réplication extra-hépatique. Ailleurs que dans le foie. Donc, on changeait le foie malade qui était la cible. On remettait un foie neuf, on pensait que tout était fini. Quelques heures et rien. Hop. Mais quand vous dites la cible, c'est au sens du virus. La cible au sens du virus. Et ce que dit Thierry, c'est fantastique. Un papier coréen de mémoire. Donc des études très très précises. Donc quand on fait une greffe, on enlève un foie, puis après on rebranche la veine, rebranche la veine, l'artère et le canal biliaire. Ils ont fait une étude une heure après le rebranchement de la veine, qui est le principal conduit qui amène le sang. La greffe n'est pas finie, la peau n'est pas refermée. Il y a déjà du virus dans le sang. Il y avait même des traitements un petit peu expérimentaux qui étaient déjà d'injecter les antiviraux pendant la greffe. Pour permettre de l'empêcher de revenir. Et ça ne marchait pas. Fascinant. Et donc, notre problème, alors on a greffé, on était content au début. C'est un virus impatient. Bah oui. Il rêve de retourner à la maison. Voilà. Et le virus revenait, et le patient faisait une hépatite sur le greffon. Alors là, on rentrait dans des niveaux de complexité. Est-ce que je reprends mon interféron, qui était à l'époque le seul outil dont on disposait? Sauf que, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un immunostimulant. Donc il rejette. Puis là maintenant, c'est un greffé. Et moi, je veux l'immunodéprimer pour qu'il ne fasse pas de rejet. Et donc, rejet sous interféron. Donc, on tournait en rond, là. Vous avez parlé d'un, Georges-Philippe Pajot, d'un mot qui me semble important, c'est le mot complexité. Comment est-ce que, dans une situation aussi complexe, avec des comportements qui ont l'air d'être corrélés, mais pas forcément causalement reliés, on arrive à mettre sur pied un traitement qui fonctionne? Qui fonctionne dans tous les coups. Comment est-ce qu'on arrive à faire qu'un virus dont les génotypes sont aussi différents puisse être rendu inactif par un traitement médical? On investit, c'est-à-dire vraiment le développement de la virologie moderne qui a permis de comprendre, comme le disait tout à l'heure Georges-Philippe, on comprend les mécanismes et on trouve les systèmes pour bloquer la réplication, la reproduction du virus. Et pour les virus ARN, c'est devenu quelque chose qui a explosé. Et donc maintenant, on savait que ça allait sortir assez rapidement, ça a été plus que linéaire, c'est-à-dire tout de suite les premières générations, les deuxièmes, les troisièmes, et ça a été très très vite à ce moment-là. Et là encore, il y a des gens qui ont trouvé sofosbuvir. Ça a été vraiment le sofosbuvir. Ça a été le produit. C'est quoi? Le produit qui a fait faire fortune au laboratoire Gilead. Ici on est que physicien. On ne connaît pas ces mots. Qui a permis sofosbuvir. Sofosbuvir. Ouais. Il y a un peu le nom du découvreur et qui a permis la révolution, parce que lui il a dépassé tout le monde. Était extrêmement peu de modifications. Était traversé un peu tous les formes de virus qu'on appelle les génotypes. Et donc c'est lui qui a fait vraiment la vraie révolution, associé à 2-3 autres, donc on est presque à 100%. Mais une chose très importante, que évidemment dans cet enthousiasme où on guérit près de 100%, on guérit près de 100% le virus. Mais quelqu'un qui a eu une maladie chronique pendant en moyenne 30 années pour faire une cirrhose, eh ben il garde des cicatrices et il garde un risque de cancer faramineux. Et tout l'intérêt actuel, c'est que on dit toujours, les premiers malades auxquels on a dit vous êtes guéri, On s'est aperçu tout de suite qu'on disait des belles conneries, parce que moi, le premier que j'ai vu comme ça, 2 ans après sa guérison, il a la chance de faire une crise de colique hépatique, de lui trouver un caillou dans la vésicule qui va boucher. Un excellent chirurgien de la Pitié-Salpêtrière l'a opéré. Et je lui dis, regarde quand même son foie pour voir si tout va bien. Il a vu un petit nodule qui avait une mauvaise tête, 2 ans après la guérison virologique, et c'était un cancer. Donc, c'est pas parce qu'on a guéri du virus qu'on a guéri des cicatrices, et surtout quand on a fait une cirrhose ou une pré-cirrhose. Donc tous les gens qui ont eu dans leur histoire de l'hépatite C une forme déjà avancée de ces cicatrices qu'on appelle fibrose, ils sont à un très gros risque de cancer par rapport aux gens qui n'ont pas d'hépatite C, même si ça fait longtemps qu'ils sont guéris. Et donc même si le virus est quasiment oxy, maintenant il nous faut, nous, préparer des moyens pour empêcher les cicatrices de provoquer le cancer du foie. Nous allons en parler, mais là, l'heure est venue d'écouter un peu de musique. Vous avez choisi My Funny Valentine, c'est ça, de Chet Baker. Nous allons l'écouter. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Georges-Philippe Pajot, c'est vous qui avez choisi ce morceau? Simplement parce qu'il est magnifique ou il y a d'autres raisons? Il est d'abord magnifique et puis il avait pas mal de comorbidités, Chet Baker. Ah. C'était clairement un consommateur. Vous voyez tout le monde comme un cas? Non, du tout, du tout. Non, mais parce que y a quelque chose qu'on va extrapoler par rapport à l'exercice de la médecine. Quand on discute d'ailleurs avec nos collègues, moi je me souviens, que ce soit la grève, que ce soit la maladie d'alcool, etc., on a parfois des situations dans lesquelles le patient fait une décomposition gravissime et il faut le mettre en réanimation. Et moi j'ai toujours été surpris de voir certains réanimateurs extrêmement réticents de dire, écoute, j'ai plein de boulot, et celui-là, il a bu, il a fait ça et tout, écoute, voilà. Et alors, à chaque fois, je me dis, ben tiens, si c'était Chet Baker, est-ce qu'il aurait dit la même chose? Et en d'autres termes, ça veut dire quoi? Mais Thierry l'a fait toute sa vie. Vous les rencontrez, les gens. Là, on est en train de parler d'une histoire, de cohorte, etc. L'essence, quand même, c'est ça que ça nous a appris. Hein. C'est que tout d'un coup, on a rencontré des histoires de vie qui étaient juste fascinantes. Et moi, j'avoue que j'aurais adoré passer une heure avec Chet Baker pour discuter avec lui, même si malheureusement, sur la fin de sa vie, je crois qu'il a basculé par une fenêtre et tout, il a une fin terrible. Mais... Donc voilà, Chet Baker, comme d'autres, hein, comme Lou Reed, qui était ma passion d'adolescent, voilà, c'est des gens qui ont eu des vies qui sont passionnantes. Moi, j'ai pas envie de stigmatiser par tel ou tel comportement. Voilà. Il n'y a que Keith Richards qui va bien. C'est une insulte à la médecine moderne, c'est clairement... Non, c'est une éloge, des protéines, des pathoprotections. Je pense que la médecine ne fera pas de véritable progrès tant qu'on n'aura pas autopsié. Alors je voulais quand même qu'on revienne rapidement, parce que vous avez l'air de dire qu'une fois qu'on a trouvé le virus, trouver un traitement qui bloque son activité, c'est pas un vaccin, il n'y a pas de vaccin, parce que la mutation est tellement rapide que aucun vaccin ne pourrait être efficace, mais on arrive à bloquer l'activité de ce virus ARN, celui de l'hépatite C. Vous avez parlé de réplicon. J'essaie de comprendre ce que c'était, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer, Thierry Poinard? En fait, tous les progrès sont été dans les mains des virologues professionnels. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a disséqué complètement la structure et les fonctions de chaque partie du virus qu'on a pu mettre au point des traitements qui tapaient un sur la zone A, le deuxième sur la zone B, le troisième sur la zone C, qui ont permis d'avoir des trithérapies qui étaient redoutablement efficaces. Et maintenant, avec deux ou trois qui tapent pas au même endroit du virus, live. Et il y a eu un outil qui s'appelle le replicon, qui a permis au début de favoriser la sélection de ces différents antiviraux. Et après, tous les groupes pharmaceutiques ont racheté les startups qui étaient très fortes là-dedans et ont fini par gagner. Alors, c'était la roulette. Certains ont des effets secondaires qui ont fait arrêter tout de suite des produits qui étaient partis avec une très très bonne activité antivirologique, mais qui étaient avec des effets secondaires qui empêchaient sa commercialisation. Et certains, comme on en a parlé tout à l'heure, ont gagné. Voilà. Il y a eu un fameux colloque, je crois, international en 2011 à San Francisco. Qui a laissé. Oui, c'est bien raconté dans le bouquin. Vous y étiez tous les deux? Oui, oui, bah, ceux-là, on est obligés. Donc, quand on sait qu'on ne peut plus rentrer dans l'amphithéâtre, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a eu plusieurs, parce que dans le bouquin, il en raconte un, mais moi, j'ai connu avec un de mes élèves qui a présenté comme ça un résultat d'un traitement qui s'est arrêté après parce qu'il avait des effets secondaires. Mais il y avait quand il a mis la diapositive, il y a eu un silence. Qu'est-ce qu'elle montrait, sa diapositive? Hein? Qu'est-ce qu'elle montrait? Elle montrait la quantité de virus circulante. Deux comprimés pendant 3 jours et disparition du virus. Il fallait pas plus. Hein. C'était une courbe comme ça. C'était pas une courbe. C'était la bord d'un glacier qui tombait. Et voilà. Et il y avait un silence dans la salle. C'était impressionnant. Bon, parce que la nouvelle n'avait pas filtré à l'avance. Non, parce qu'il y a un peu d'embargo pour ces grands congrès-là. On garde le truc et c'était tout chaud, quoi. Le silence de l'assistance, il signifie quoi en l'occurrence? La sidération, la joie, l'ensemble. Parce que la moitié de la salle dit merde, j'aurais dû le trouver avant. Et l'autre salle, c'est fantastique pour les malades, quoi. C'est prodigieux. Quoi. Le fameux 100%. Et tout le monde savait que c'était la présentation du congrès, quoi. C'est le film du Festival de Cannes. Donc la salle bondée partout. Et les diapos. Et je pense que le gars avait répété et qu'il avait été formé. Et quand il a sorti ces trois, cohorte 1, guérison, 100%. Cohorte 2, 100%. Cohorte 3, 100%. On est au bord de la standing ovation, quoi. C'est-à-dire que. Il y a eu. Oui, il y a eu. Et puis, il y a surtout, enfin, il y a de l'émotion parce que pour tous les médecins qui sont dans la salle, enfin, le lundi d'après, alors, on va parler médicaments tout de suite, hein, mais ça y est, quoi. Ça y est, ces gens à qui on infligeait, parce qu'on avait que ça, des médicaments, Thierry l'a rappelé tout à l'heure, avec des effets secondaires, enfin, on a fait des dégâts quand même, hein. Il y a toujours ces balbutiements dans la médecine où tout va pas pour le mieux. Et tout d'un coup, on nous raconte une histoire, effets secondaires, c'était quasiment un tableau vide. C'était presque trop beau pour être vrai, donc on avait aussi une forme de suspicion. Quelques pilules à prendre chaque jour. C'est des cachets, il n'y aura plus les piqûres. Enfin, tu te dis, mais il se passe quelque chose. Une prise par jour, et puis pendant quelques semaines. 12 semaines de traitement, 8 à 12 semaines. Et ça guérit quel que soit l'avancement de la maladie? Oui, le virus, oui. N'oubliez pas. Ça guérit le virus. Mais l'histoire n'est pas finie pour le reste. Et l'autre partie qui est très importante, et sur laquelle moi je me suis spécialisé depuis longtemps, c'est le diagnostic direct pour les patients. De pouvoir... d'une part, identifier ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas besoin d'être surveillés, parce qu'après, on sait qu'on a le traitement qui est assez court. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Parce que j'ai entendu parler d'une biopsie que vous avez faite à un ami, vous avez mal visé, il a eu mal. Oui, donc ça, c'est pour montrer ça, la science, tout ce que vous faites comme émission comme ça montre bien que c'est chaotique. Et puis, il y a des choses comme ça dans la vie qui vous provoquent. Qui font signe. Et ils font ça. Moi, j'ai fait une biopsie. Je fais beaucoup de biopsies comme tous les hépatologues de ma génération. Et puis, je suivais un de mes copains, voilà, qui avait une hépatite B. Et je lui ai fait déjà une biopsie. Il m'a dit, oh là là, ça me fait un peu peur ton truc. Puis quand ça s'était très bien passé, il m'a dit, mais comment, pourquoi les gens disent que c'est dangereux comme ça, la biopsie, etc., etc. Je lui ai dit, oui, t'as raison, c'est pas grand chose. Tiens, on va refaire la deuxième. C'était 4 ans plus tard. En plus, je prenais aucun risque. J'avais déjà la cicatrice de celle que j'avais fait il y a 4 ans. J'ai mis l'aiguille et j'ai au même endroit. Et 1 millimètre à côté, il y avait la vésicule que j'ai transpercée. Il a fait une péritonite sur la table. Ça s'est très bien passé. Enfin, c'est hurle de douleur parce que c'est une péritonite biliaire, c'est atroce. On l'a descendu au bloc opératoire avec un copain chirurgien. Il a mis un clip sur la vésicule et tout s'est bien passé. Mais ce jour-là, j'ai dit, fini. Il faut trouver absolument une méthode pour remplacer la biopsie. Parce que la biopsie, c'est 1/50 millième du foie. Donc, c'est local. Avoir la moitié du foie, on sait comment sont les lésions, mais avoir un 50 millième, ça suffit pas. Il y a énormément de discordances. Il y a un autre travail qu'on a fait dans mon équipe où on a fait des biopsies, deux biopsies de suite par le même endroit dans le foie sans crever la vésicule, et on s'est aperçu qu'il y avait 40% de discordance dans le stade de fibrose 0,1, 2, 3, 4, comme on disait tout à l'heure. Donc le foie est pas du tout homogène. Voilà, c'est pas homogène, et surtout l'échantillonnage est trop petit. Hein, c'est comme un sondage sur 100 personnes avant l'élection européenne. Déjà 2000, ça marche pas très bien. Bon, c'est pas mon sujet. Voilà, donc si vous voulez, ça est faire du diagnostic, c'est la porte d'entrée au traitement, etc. Donc, faire le diagnostic non-invasif, au début, personne n'y croyait, parce que moi, j'avais mis des produits dans la sauce pour faire le diagnostic de produits circulant dans le sang, qui n'avaient rien à voir avec le foie. Donc, c'est le sang qui est le bon vecteur pour avoir l'information. Le sang, pour moi, c'est une big data, c'est-à-dire que tout passe là-dedans, c'est pas pour rien que les espèces humaines avec du sang ont continué depuis la limule il y a 500 millions d'années jusqu'au bipède de Cliff Richard, on est tous avec du sang au milieu qui a énormément d'informations. Donc, mais l'information. Lui, il n'a pas toujours eu le même, je crois. L'information disponible dans le sang, elle est infinie. Et la combinaison, quand vous choisissez bien certaines protéines, vous retrouvez on appelle ça des algorithmes maintenant, mais des combinaisons de ces protéines, qu'on arrive maintenant à combiner de telle façon à ce qu'on puisse prédire, d'une part, le stade de fibrose, d'autre part, la graisse qui se dépose en foie, qui n'est pas grave, mais qui peut être associée à une inflammation, puis après à une cirrhose. Et maintenant, on travaille sur des combinaisons qui prédisent le risque de cancer, pas le cancer directement, mais le risque pour toute une partie de la population qui doit être suivie par le foie et qui n'a aucun risque. À 10 ans, il faut leur foutre la paix et les laisser vivre paisiblement. Et l'autre partie, par contre, faut pas trop les inquiéter parce qu'on sait prédire avant. Et quand on détecte, parce que le problème, c'est le cancer du foie qui se détecte par l'échographie, qui est un examen tout bête, et il fait pas mal, on peut dépister des tout petits nodules. À ce moment-là, on guérit pratiquement ces petits cancers qu'on les trouve. On peut les guérir. On n'a pas encore de traitement anticancéreux, préventif, etc. Mais donc, cette stratégie-là, c'est la bonne pour faire progresser. Et il faut mettre le paquet là-dessus, parce que actuellement, il y a beaucoup de gens qui continuent. C'est un des cancers qui augmente le plus en France. Et c'est le cancer le plus bête du monde, parce que on sait suivre ces malades, c'est très lent. Nous, on voit plein de malades comme ça qui sont guéris de l'hépatite C. Ils vieillissent, ils boivent un petit peu trop, ils ont un peu de diabète, un peu de stéatose dans le foie, qui probablement, à tout ça associé, fait que certaines protéines qui sont des signes de fragilité sont plus en quantité suffisante, et paf, le cancer démarre. Et on va pouvoir prévenir ces gens-là qui sont déjà à risque. Il faut continuer dans cette direction. Alors, tous les deux, vous avez joué un rôle dans cette histoire de l'hépatite C. Est-ce qu'il y a un moment dans votre trajectoire de chercheur où vous auriez dû faire autre chose que ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a des bifurcations qui ont été ratées? Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez dans vos méthodes de recherche ou dans votre sujet de recherche? Alors moi, il y en a une que je vis en ce moment. Je crois qu'il y a eu, lorsqu'on avait l'interféron, dont on connaissait les mauvais résultats et les effets secondaires, la France, globalement, et les hépatologues français, ont assez vite basculé dans une forme de traitement universel, en tout cas tant que les patients n'avaient pas de maladie trop grave pour supporter l'interféron. Ce qui veut dire que, dans une logique infectiologique, on a traité des gens qui étaient F0. Et je crois que pour certains, c'était une erreur. Pourquoi ? Patients dont j'ai parlé d'ailleurs hier avec des collègues. Des gens, début des années 2000, F0, F1, on donne de l'interféron. Non seulement ça marche pas, le patient vit un véritable calvaire, et il vous regarde les yeux dans les yeux, il dit « Vous, jamais plus. Et votre hépatite, je veux plus en entendre parler. » Ce patient va sortir du circuit médical et du circuit de surveillance. Va être rattrapé dans les comorbidités dont parlait Thierry. Parce qu'il continue à boire un peu. Puis il a fait son diabète parce qu'il est arrivé à 50 ans. Il arrive en 2017, il a de l'eau dans le ventre, il est tout jaune, il a une cirrhose et un cancer. Et je me dis donc que cette stratégie qu'on avait, qui était peut-être erronée à l'époque, parce que c'était pas le bon médicament, comment faire de l'élimination universelle avec un mauvais médicament à 40%, on a fait sortir, on a oublié les effets secondaires, on n'a pas pensé aux comorbidités, ces gens sont sortis du circuit, on n'avait pas les outils justement sur lesquels travaille actuellement Thierry. Sortir du circuit, ça veut dire ils ne veulent plus voir les médecins. Je veux plus voir les médecins. Les médecins m'ont fait mal. Il faut bien voir que la guérison, c'est un événement asymptomatique, inerte, qui est le résultat d'une prise de sang. Donc pour un malade, c'est presque conceptuel. Les effets secondaires, c'est un vécu quotidien. Donc, un, vous m'expliquez que je ne suis pas guéri, merci. Par contre, l'année que je viens de passer, ça a été un calvaire. Donc voilà, moi je crois qu'à un moment, on n'avait pas les outils et on avait des trous dans la raquette vraiment pour avoir cette attitude-là. Donc moi, si j'ai un gros loupé et que j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci. Ouais. Moi, le loupé que j'ai, oui, quand on a 30 ans d'expérience en chef de service et puis qu'on s'occupe que du foie, on rencontre beaucoup de ministres de la santé. Hein. Ils font leur durée moyenne de vie, c'est 18 mois. En tant que ministre. Voilà. donc, moi, j'ai jamais réussi à convaincre un ministre de la santé de lui dire, écoutez, l'hépatite C, c'est bien, l'hépatite B, c'est bien, l'alcool, c'est bien, toutes les maladies grasses et ça, la cirrhose du sida, c'est très bien. Mais en fait, ça se ressemble tout. C'est-à-dire que toutes ces maladies-là, ça se termine par une mortalité, par cirrhose, complication de la cirrhose, donc cancer primitif du foie. Donc, plutôt que de faire du dépistage ciblé sur les hépatites C, les hépatites B, taratati, taratata, il faut simplement dire aux gens, à partir de 50 ans, quand vous commencez à admettre que vous n'êtes pas éternel, que vous vous intéressez à votre corps et à votre santé, il suffit de faire un dépistage simple et de se dire, vous avez vécu comme ça jusqu'à l'âge de 50 ans, on peut faire un test très simple, des tests très simples, il y en a plein maintenant qui existent, et on saura si vous faites partie des gens qui sont à risque de faire une cirrhose dans les 10 ans qui viennent. Et ça, je pense qu'il faut que ce soit prouvé, évidemment, du point de vue économique, mais il y a les moyens. Je rappelle que la prostate, le sein, c'est des trucs très compliqués. La cirrhose, c'est une maladie d'idiot. Hein, c'est-à-dire que ça évolue très lentement. Même les pires des trucs, c'est jamais avant 10 ans après. Et la moyenne, les médianes de avant facteur de risque cirrhose, c'est 30 à 40 ans. Donc ce que vous proposez, donc c'est une on sorte a le de, temps. De médecine personnalisée finalement. Mais c'est même pas personnalisé, c'est encore plus bête que ça. On peut dire tous les mots compliqués, non. C'est-à-dire que si je reprends à l'inverse, si vous avez 70 ans, que vous avez picolé comme beaucoup trop, que vous avez attrapé l'hépatite C qu'on vous a guéri, que vous avez eu l'hépatite B mais vous avez guéri, etc., etc., que vous êtes gros et que votre foie n'a aucune cicatrice à l'âge de 70 ans, il faut se foutre totalement de votre foie et penser à votre cœur ou à autre chose, mais pas du tout au foie. Ça veut dire que vous êtes mais protégé. Mais c'est des cas qui ne doivent pas être très fréquents. Non, si. Sur 100 personnes qui boivent comme des trous, il y en a que 10% qui vont faire une maladie grave du foie. Alors, je dis pas ça pour faire un plaidoyer pour le lobby de l'alcool, parce que si vous êtes conducteur de bus pour enfants, c'est pas une bonne stratégie. Mais celui qui a 70 ans et qui a beaucoup bu, et qui a aucun symptôme, qui s'entend bien avec sa famille, qui conduit pas bourré, etc., etc. Il y a aucune raison pour le foie de faire ça. Comme on a les outils pour dire ça, la médecine personnalité intelligente, c'est de pas angoisser les gens qui n'ont pas de facteurs de risque. Voilà. Donc, je pense qu'il faut passer là. Mais par contre, ceux qui ont pas de facteurs de risque, ceux qui ont un facteur de risque qu'on sait définir, eux, il faut s'en occuper. C'est-à-dire, ils doivent faire du sport, cesser de boire. Oui, après chacun, etc. Exactement. Quand on a une maladie qui est liée effectivement à une obésité, etc. Il y a des facteurs comme ça qui coûtent pas cher et qui sont importants. Mais si vous voulez, c'est de différencier ceux qui ont aucun risque de ceux qui sont à risque. Alors, on vient d'expliquer, grâce à vous, que on sait maintenant guérir l'hépatite C, mais il n'y a pas de vaccin et les gens qui sont infectés ne savent pas qu'ils le sont. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les soigner alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades et où est-ce qu'on les trouve s'ils ne viennent pas vous voir? Georges-Philippe Pajot. Alors, on a là pour le coup le lobbying dans son sens positif auprès des autorités de santé, il a marché. Il a marché non seulement en France. Alors, moi j'aime bien de temps en temps qu'on élargisse un peu la focale. Hein. On est en centaines de millions de personnes dans le monde. En France, il y a un chiffre qui circule, qui est issu de modélisation, il est sûrement faux, qui parle de 100 000 ou entre 70 000, je ne suis même pas sûr de ça. C'est le nombre de personnes infectées qui ne savent pas qu'elles le sont. 100 000 qui resteraient à traiter, et parmi eux, 70 000 qui ne savent même pas qu'ils sont infectés. Bon, à l'échelle mondiale, on est à des centaines de millions. Donc la première chose, c'est que l'Organisation mondiale de la santé s'est fixée comme objectif d'essayer d'éliminer, alors éliminer est sûrement pas le bon terme, mais en tout cas de faire baisser en dessous d'un seuil de 10 à 20% la mortalité liée aux hépatites dans le monde. La France a embrayé, on a eu le discours sur les plans généraux de santé par Édouard Philippe, c'était l'année dernière. Comme l'OMS a dit 2030, la France a dit 2025, parce qu'on aime bien ça. Et donc, voilà, des moyens maintenant sont donnés pour aller chercher ces patients. Ce qu'on sait cependant, c'est que si on prend les deux grands groupes de modes de contamination qui sont la transfusion, quel que soit le produit, et puis l'usage de drogue par voie intraveineuse ou intranasale ou par des choses comme ça, sur les transfusés, on est probablement proche de l'exhaustivité. sur des patients qui sont encore usagers de drogue, et notamment actifs, ils sont pas dans le système. Ils sont pas dans le circuit. Ils vont pas venir voir leur médecin traitant. Ils ont pas de médecin généraliste. Certains sont dans la rue. Certains sont dans des squats. Certains ont des problèmes d'alcool. Certains ont des problèmes qui sont bien plus importants que l'hépatite. Ils ont des dents dans un état catastrophique, etc., etc. Donc, il va falloir qu'on se pose la question au niveau sociétal. Comment on va aller chercher un par un ces patients? Parce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Parce qu'effectivement, maintenant, l'enjeu, c'est devenu un enjeu de santé publique. Si je veux éliminer, alors là, pour le coup, avec ces fameux médicaments efficace, avec quasiment pas d'effet secondaire, là, vous pouvez vous fixer un objectif santé publique, on veut que cette maladie disparaisse. Mais ça va être énormément de travail pour aller les chercher, parce qu'on a beaucoup de patients aujourd'hui qui sont totalement hors du circuit, qui sont dans des structures parallèles. Alors, il y a des annonces qui ont été très importantes. Hein. L'hépatite C, c'était l'hyperspécialiste. Depuis 15 jours, c'est le médecin généraliste. Et là, les associations, tu parlais d'SOS Hépatite tout à l'heure, ont joué un rôle qui est majeur. Et puis, on a maintenant des circuits courts. On a des patients qui ne voient pas de médecin, qui vont dans un centre de réduction des risques, d'alcool. Ils vont rencontrer des éducateurs. Et cela, il va falloir qu'on facilite le plus possible. La prescription est peu devenue un enjeu. On a globalement deux stratégies thérapeutiques qui marchent chez quasiment 100% des gens. Donc, faut arrêter de penser que c'est un acte médical absolu, nimbé de je ne sais pas quoi. Soyons pragmatiques. Il faut trouver les patients, donc les dépister. Et on a des outils pour les dépister maintenant. Ne pas les agresser au niveau de quelques examens. Il faut pas leur faire mal et les traiter très vite. Ça va prendre quelques années. Il y a une niche, si je puis me permettre d'exprimer ainsi. Il y a une niche qui est le risque chez les homosexuels mâles. De répétition par des techniques de backroom, etc., qui sont des facteurs extrêmement performants pour transmettre le virus. Et le fait de la banalisation, et on sait que maintenant on a des traitements entre guillemets qui guérissent à 100%, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils font des récidives. Certains peuvent faire deux fois une hépatite C par an. Alors je parle même pas du problème économique, chaque fois ça fait de 20 à 30 000 euros pour la société, mais le vrai problème c'est d'essayer, comme pour le virus du sida, parce qu'on contrôle pas forcément ses pulsions, c'est d'avoir un pré-traitement peut-être chez certains, comme on fait pour le sida, qui a quand même fait diminuer de beaucoup la transmission de ces sujets à très haut risque. Il faudrait probablement aussi faire la même chose, je pense, moi, pour le virus. Mais pour parler du prix des traitements, ça veut dire qu'il y a des considérations économiques qui jouent pour la France, mais aussi pour d'autres pays où c'est plus difficile. Je pense à l'Afrique, où il y a beaucoup de cas infectés et où la question du coût se pose en d'autres termes. Voilà, c'est des tragédies, évidemment. Là, on est dans un domaine absolument, évidemment, catastrophique. Le vrai exemple quand même qui est récent et qui est fantastique, c'est chez les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est un pays qui a des grandes difficultés économiques. Ils ont réussi par une stratégie, parce qu'il y a eu beaucoup d'inoculations pour un traitement de la schistosomiase, où il y avait des injections à répétition qui ont transmis le virus C. Donc, il y a pratiquement 10 à 20% de la population égyptienne qui est contaminée par le virus C. Et ils ont réussi là avec une campagne. Ils faisaient simplement un test très très simple. Simplement dire, vous avez le virus C, un anticorps, machin. On vérifiait même pas la PCR, enfin la détection, la quantité de virus circulante. Et ils distribuaient tout de suite le traitement. Regardez rien du tout, et ça a permis comme ça d'éradiquer je crois qu'ils sont à plus d'un million d'éradications, donc c'est un exemple fantastique. Et évidemment, là, les problèmes économiques sont d'autres niveaux qu'en France. Alors, je posais la question dans l'introduction que j'ai faite, de qu'est-ce que l'hépatite C nous a appris, et notamment comment est-ce qu'elle devrait changer l'enseignement de la médecine, les études de médecine, la façon de considérer le corps. La réflexion, c'est souvent la même, je pense, en médecine, hein, dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est qu'on croit qu'on sait tout, et finalement, on découvre des tas de choses, et l'exemple de l'hépatite C, c'est un exemple, c'est-à-dire que ceux qui étaient F0 très longtemps, et comme ça, à partir d'un moment avec l'âge et d'autres facteurs, ils réaccélèrent brutalement, alors qu'au début, ils sont partis très lentement, hein, comme tu le disais très bien, après la naissance, ça bouge pas. Donc, on voit que la maladie, à un instant donné, elle change de complètement de comportement. Et surtout que, on est à l'intérieur du bonhomme ou de la bonne femme. Et au bout du compte, quand on a guéri de ce virus-là et il a plu, on garde les cicatrices. Et puis, d'autres spécialistes des effets non hépatiques du virus C, parce qu'il y a d'autres effets non hépatiques, le cerveau, il a, par exemple, etc. Il y a probablement des séquelles qui sont liées à toute la partie. Les gens ont vécu avec un virus pendant 20 ou 30 ans, et après, il doit rester des séquelles. Donc, il faut être très vigilant. Il faut pas dire que la maladie est guérie. Il faut dire qu'on sait faire disparaître le virus, mais surtout, il faut pas lever le pied sur tout ce qu'il peut y avoir comme séquelles, pas que dans le foie, partout, je pense. Parce qu'il y a peut-être des gens sont toujours fatigués parce qu'il y a le centre de la fatigue qui en a pris un coup. Je dis n'importe quoi, mais on voit bien le concept. Et surtout, il faut travailler sur le vaccin, parce qu'on voit bien qu'on s'en sortira pas sans vaccin. Est-ce que j'ai le droit de dire, Georges-Philippe Pajot, que cette maladie vous a fait sortir du foie, vous, les hépatologues? Oui. Pour répondre aux deux questions, c'est ne le regarde pas comme un virus, mais regarde-le comme un tout, cette personne qui est devant toi. C'est-à-dire, mets-toi un peu à sa place. Voilà, ne le juge pas. Ça, c'est la première chose. Ne le juge pas. Mets-toi à sa place. Mais il faut parler avec lui. Mais parle. Parle. Et donc, au moment où on nous explique que les intelligences artificielles vont balayer la médecine, qu'il n'y aura plus rien, il faut arrêter de dire ça. Enfin, je crois que c'est Tobinathan qui dit ça. Chez les primitifs, il y avait le sorcier. Il faudra toujours qu'il y ait un sorcier dans cette histoire, un chaman, on va l'appeler comme nous, on l'appelle un médecin. Il faudra quand même toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit un passeur, qui explique, qui dise, qui parle de la prévention. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et la deuxième chose que ça nous a appris, mais ça retient complètement, ça rejoint complètement la thématique de Thierry, c'est pas que le virus. Le virus, c'est juste une fenêtre qui s'ouvre sur « regarde son foie ». Et une fois que tu as regardé son foie, regarde-le de façon systémique. C'est-à-dire que si, par l'intermédiaire du virus, j'ai trouvé qu'il était aussi diabétique, ben, je me dis quand même que s'il doit lui arriver quelque chose, ça sera peut-être un infarctus. Et tout d'un coup, ça donne quelque chose. Alors on a inventé ces mots tout à l'heure pompeux, le parcours de soins. Seulement, il est tellement verrouillé, cette terminologie, elle est tellement verrouillée sur le plan administratif que tout de suite, nous, on se retire parce que ça nous gonfle. Et pourtant, si on reste simplement dans cette espèce de fenêtre, enfin, on fait pas bien quand même. Hein. Mais il faut peut-être que ça soit à nous d'être inventifs. Peut-être effectivement que demain, la prise de sang, une médecine prédictive, moi je crois beaucoup à ça. Mais il faudra vraiment qu'on adosse à cette médecine prédictive dont Thierry a été un des pionniers. Il faudra quand même derrière l'explication de texte. On va pas simplement les abandonner comme ça, avec un diagnostic, tu risques pas et tout. On aura besoin encore de sorciers. Non, c'est la notion de le mot qu'emploient les anglo-saxons, mais qui est pas mal parce que c'est un mot français, c'est la surveillance. Ouais. C'est-à-dire que la surveillance, et moi c'est le concept de surveillance positive. C'est-à-dire qu'on... Mais parce que le mot est plutôt négatif. Voilà, c'est ça. C'est pas la prison. C'est au contraire d'ouvrir les portes du pénitencier pour que vous viviez le mieux possible sans vous embarrasser de soucis dont vous n'aurez jamais à souffrir. C'est ça à peu près. C'est la bonne médecine préventive, elle est optimiste. Et donc, est-ce que vous pensez que la maladie sera éradiquée? Et si oui, à quelle échéance? Alors, c'est un terme que je reprends pas, éradiquer, parce que pour l'instant, on a laissé de côté les nouvelles contaminations, les nouvelles infections. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait une politique efficace sur l'usage de drogues. Et je ne sais pas combien, ça sort pas totalement du sujet. Je crois qu'il y a peut-être deux salles de shoot en France et j'ai l'impression qu'il y en a une qu'on voulait fermer. Donc à un moment, on pourra pas dire je traite la conséquence et je m'occupe pas de ce qui se passe avant. Donc éradiquer, je suis pas sûr. Ça va être long. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu l'illusion, on a les médicaments, ça guérit tout, ça sera fini dans 2-3 ans. Je crois pas. Il va vraiment falloir aller chercher les patients les uns après les autres. Donc 2025 peut-être 2030. Faut être très modeste parce ouais. On pensait qu'aux États-Unis ça chachuterait parce qu'ils ont eu le premier traitement, etc., etc. Ils ont toujours un petit peu d'avance dans la prévention. Ils font un dépistage systématique aux États-Unis sur les baby-boomers. En fait, la mortalité aux États-Unis globale augmente à cause des injections et les prises nasales d'opiacés. Et l'hépatite C est repris comme jamais. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'hépatite aiguë à l'hépatite C aux États-Unis en ce moment. Donc on est loin d'avoir résolu les problèmes, même dans les pays riches. Je vous remercie tous les deux, Thierry Poinard et Georges-Philippe Pajot. On a dit en préambule que vos patients étaient des hépatants. Moi, je trouve que vous êtes des hépatologues, hépatants, mais sans H. Je recommande la lecture du livre auquel vous avez participé, « Requiem pour un virus, une brève histoire de l'hépatite C » paru aux éditions Autrement. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Claude Niort et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.